Tu es mon roi. que nous louons. Tu es le roi. Oui, tu es le Seigneur de la paix. Gloire à eux. Nous soyons mis au Seigneur. Alléluia. Je ne veux plus toucher.